Vous écoutez Futur Sim sur CKRL au 89.1 et pour finir l'émission, on inverse les rôles. Je prends le rôle de l'animatrice alors que Marie-Claude Dionne va nous raconter comment l'archéologue parvient à faire parler les vestiges. Elle va nous donner l'exemple du site Cartier-Roberval à Cap-Rouge, site qu'elle connaît bien puisqu'elle l'a étudié pour sa maîtrise et qu'elle était guide cet été également sur le site. Rebonjour Marie-Claude. Rebonjour Camille. Alors oui, en effet, le travail de l'archéologue, on peut dire qu'il consiste essentiellement à creuser, à dégager de terre des vestiges archéologiques, en fait du matériel qui a été laissé par l'activité de l'homme dans le passé. Mais parfois, ce qu'on va découvrir au premier coup d'œil, c'est assez difficile de comprendre. Et dans le passé, on a souvent relégué les vestiges archéologiques qu'on ne connaissait pas vraiment la fonction comme faisant partie d'un assemblage à caractéristiques cérémonielles, donc à partir d'une cérémonie. Mm-hmm. C'était la voie facile pour classer les objets qui étaient plutôt énigmatiques. Et aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous montrer comment on peut comprendre une découverte archéologique. Je me baserai donc, comme tu l'as mentionné, sur le site archéologique de Cartier-Roberval qui témoigne de la présence des Français et leur désir de coloniser l'Amérique du Nord dans les années 1540, donc il y a plus de 400 ans, au Cap-Rouge, ici près de la ville de Québec. Et lors des fouilles archéologiques, qu'est-ce qu'on a trouvé sur le site? En fait, les vestiges d'une colonie, même plus précisément d'une fortification de la colonie qui était érigée en haut du promontoire de Cap-Rouge. Et c'est une colonie française qui a été menée par Jacques Cartier et Jean-François de la Roque, sieur de Roberval, un noble. Mm-hmm. Et cette colonie-là a duré 2 ans seulement, donc 1541 à 1543. Mais elle a quand même laissé quelques traces de son passage. Et on a trouvé, entre autres, des corps de logis et aussi de nombreux artefacts. On en compte à peu près 6000 en tout. Oh, wow. C'est énorme. Et on a 100 qui sont exposés au Musée de l'Amérique francophone, à l'exposition La colonie retrouvée. J'en ai déjà mentionné, donc je vous invite et réinvite encore une fois à la visiter, parce que ça vaut vraiment la peine. Et moi, aujourd'hui, je vous parle d'un vestige structurel, donc une maçonnerie qui est constituée de 2 lignées de pierres, si on veut, très, très sobrement, accompagnées de quelques trous à l'intérieur. On l'a découvert, en fait, pour la situer un peu localisé au sud-ouest du site, donc proche de la falaise. Et, soit dit en passant, à l'intérieur de ces 2 vestiges de pierre, nous avions aucun vestige matériel d'objet, donc aucun objet archéologique. Mais comment on fait pour obtenir le plus d'informations possible par rapport à une telle découverte archéologique alors? Mais idéalement, on regarderait dans les archives pour retrouver des cartes ou des plans qui représenteraient la colonie de Cartier de Roberval. Mm-hmm. Malheureusement, on n'en a pas. Ni Cartier ni Roberval n'ont laissé derrière eux de tels documents. Mais on a quand même un récit de voyage qui est disponible d'une part de Cartier et de l'autre de Roberval. Mais à l'intérieur de leur récit, il est impossible d'extraire quelconque information quant à l'élaboration de leur fortification. Donc, on n'a pas la géographie des bâtiments qui ont été construits. Donc, oui, on peut connaître la présence d'un corps de logis, mais on n'avait aucune idée où est-ce qu'il se retrouvait précisément sur le promontoire. Donc, on va se rabattre, si on veut, sur les découvertes archéologiques en soi. Donc, on se fie aux observations. Par contre, on peut quand même procéder à des comparaisons avec différents sites archéologiques ou même historiques qui proviennent sensiblement dans la même époque de celui qu'on étudie, donc milieu du 16e siècle. On se base ainsi sur les sites archéologiques de Martin Hundred, qui est en Virginie, aux États-Unis, ainsi que le Fort Caroline, un autre site aux États-Unis en Floride, qui est un site français. Donc, assez intéressant. Mais on est aussi allé en France, au château Thierry et Bove, pour en apprendre davantage sur les constructions à l'époque. Tout à fait intéressant. Peux-tu alors nous expliquer ce que les archéologues ont découvert et à quoi ressemblaient les vestiges de pierre qui ont été mis à jour? Alors, tout d'abord, on se retrouve avec 2 vestiges. On a les 2 lignées de pierre, si on veut, 2 constructions qui sont en pierre de grès, soit dit en passant. Ils sont parallèles et ils font, à peu près les 2, 11 mètres de long, en pleine longueur chacun. Ils sont ancrés dans le sol, donc ils ne sont pas juste en surface. On a à peu près entre 20 et 40 cm de profondeur. Ils sont constitués de 3 assises, donc 3 hauteurs, si on veut, 3 rangées de pierres. Okay. Les vestiges vont faire à peu près 30 cm de largeur, quand même assez assez larges, on a l'impression qu'ils sont assez massifs. Uh-huh. Et à première vue, il semblerait qu'on se retrouve face à des vestiges de murs, des fondations de murs, parce qu'entre autres, l'espacement de 1,55 m est continu tout le long de ces deux vestiges de murs-là. Donc, ça témoigne d'un certain lien entre les deux. On va remarquer aussi dans l'assemblage de pierres qu'il y a quelques trous. Hein, anciennement, c'est pour des poteaux de bois. On les appelle les trous de poteaux. Oh, okay. Et le bois ne se conserve pas dans ce type de milieu-là. Mm. Il s'est dégradé avec le temps, puis il a complètement disparu, le cas présent. Mais oui. C'est pour ça qu'on n'a absolument rien, on a vraiment juste les trous. Donc, ces trous de poteaux-là indiquent qu'on retrouvait anciennement des pièces de bois à la verticale, à l'intérieur, si on veut, de ce type de maçonnerie-là. Mais il y a un autre fait intéressant, c'est l'emploi, justement, de pierre. Parce qu'on a longtemps pensé que les fortifications, les constructions de cette colonie-là, à Cap-Rouge, auraient été seulement faites de bois. Puis après tout, il y a du bois partout. Le matériel était présent. Et d'ailleurs, les vestiges des corps de logis présentaient justement une construction de bois. C'est assez clair. Donc, de retrouver des fondations de murs en pierre était assez exceptionnel en soi. Donc, on avait eu le besoin, voire même le désir, d'avoir une base solide pour la construction de murs en bois. On peut penser que les pierres agissaient comme une sorte de calage pour maintenir les pièces de bois à la verticale dans un sol qui n'est pas particulièrement très compact. Donc, ça l'explique pourquoi. On voulait aussi, d'ailleurs, un peu bloquer l'espace entre ces deux murs-là. Dans la même veine, on aurait pu penser que la construction des pierres aurait été un mur plein, en fait, mur constitué de pierres seulement. Oui. Mais on n'a pas retrouvé d'amoncellement de pierres ou de terre à côté de ces deux vestiges de murs-là. Le contraire aurait permis d'indiquer que les deux structures auraient eu une certaine hauteur, voire même une pleine hauteur en pierre seulement, pour soutenir la montée du mur. Donc, il aurait été construit entièrement en pierre. Mais, bien entendu, ce n'est pas le cas. Donc, on se rabat sur la construction, en fait, de bois, donc une mur de palissade, à cause des trous de poteaux. Ah! Alors, le fait que les deux vestiges sont en parallèle et qu'ils se suivent sur plusieurs mètres, est-ce qu'on peut penser qu'il s'agit des restes d'un couloir, alors? Bien, définitivement, parce que la linéarité et le parallélisme sur plus de 11 mètres, je le rappelle, correspondent relativement à une aire qui est assez restreinte et étroite. Il est assez difficile de croire qu'on aurait pu vivre dans cet espace-là. 1,55 m, c'est pas assez de place pour installer une cuisine ou un bureau ou même un lit. Non, effectivement. Et si en plus, on se retrouve avec des pièces verticales qui referment le tout, mais je suis assez d'accord pour dire qu'on est dans une sorte de passage, dans un couloir. Puis en plus, je le rappelle, on n'a trouvé aucun vestige archéologique à l'intérieur de ces deux murs-là. Donc, c'est une absence qui est un autre témoignage qu'on n'avait pas habité ou occupé cet espace-là, parce que si on avait vécu à l'intérieur de ce mur-là, on aurait peut-être échappé à des billes, des boutons ou fait casser de la vaisselle. Effectivement. Alors, au final, avec tous ces éléments, est-ce qu'on peut être certain de ces affirmations-là? Oui. Sans aucun doute, l'étroitesse de la construction et aussi l'absence d'éléments liés à une résidence ou à une occupation nous amène à considérer et surtout à prioriser une fonction de communication entre deux bâtiments. On aurait donc voulu protéger les allées et venues des soldats ou des nobles qui voyageaient entre les deux bâtiments contre de potentielles menaces. On peut penser à des animaux ou aux Amérindiens aussi qui auraient pu vouloir attaquer les gens qui y passaient. J'ajouterai que ce vestige-là est lié aussi à une autre fonction plutôt défensive. C'est que, d'une part, un des deux murs, puis je l'ai mentionné tout à l'heure, un des deux murs est une continuation d'une palissade qui entourait la colonie. Et de l'autre côté de la chose, le couloir en soi servait de base, un socle, si on veut, à un chemin de ronde qui se retrouvait à l'étage. Donc, on avait un deuxième étage sur ce couloir-là. Et on le sait d'ailleurs par la présence, justement, des trous de poteaux. Le trou de poteau, en fait, la présence de poteau veut dire qu'on a besoin d'assir quelque chose d'assez lourd au deuxième étage. Donc, un autre passage au sommet. Donc, situé au-dessus du couloir, et qu'on peut appeler la courtine en construction, en architecture militaire, on avait un chemin de ronde qui était utilisé pour les soldats, pour traverser, faire le long de les fortifications, pour surveiller les environs de la colonie. Et je le rappelle, les archéologues ont analysé les autres structures, les autres fortifications de plusieurs établissements qu'on trouve à travers le monde, et ce type de construction était utilisé sur plusieurs autres sites. Hein. La technique courtine-chemin de ronde se retrouve entre autres au site de Martin's Hundred et Fort Caroline. Donc, c'est une technique de construction qui était connue, voire même éprouvée, depuis longtemps en Europe, et les colons et les administrateurs, qu'ils soient français ou anglais, ont donc rapporté leurs connaissances et leur savoir-faire en Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre. Wow! Donc voilà comment des vieilles pierres réussissent à livrer leurs secrets. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, Camille.